Mais mettez-y des oreilles, des cheveux. Faites-en une humain un peu quelque part. Puis quand il vient, cet être-là, qui est un être, conduit un être spirituel, Jésus est un être spirituel avant de venir sur la terre, quand il vient en nous, il vient complètement. C'est une personne, il ne vient pas. Moi, j'ai la tête, lui, t'as le bras, lui, t'as l'autre, les pieds. Non, c'est une personne qui vient habiter en moi. Une personne. Elle vient avec tout ce qu'elle est. Elle vient avec sa puissance, elle vient avec sa mission, elle vient avec tout ce qu'elle est. Elle rentre en moi complètement une personne. C'est drôle, là, parce qu'on est possédé. On est tous dépossédés. Dépossédés de Dieu. Il y en a qui sont possédés du diable, pas le même nouvel. Ils sont possédés de démons, parce qu'il y a des démons qui rentrent en nous. Nous, ce qui est rentré en nous, c'est Dieu. On est possédé par Dieu. Dans la Bible, on voit des gens démoniaques qui font des choses que le prophète ne demande pas là. C'est le démon qui prend le contrôle. Quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, il fait ça, il prend le contrôle. Il prend le contrôle. C'est ça qui me joue le plus. Il prend le contrôle. Ça ne veut pas dire que je vais parfait. Non, non, non. Mais il prend même contrôle de mes imperfections. Il utilise, il y a assez de pouvoir et de puissance sur cet esprit-là, qui prend même François dans ses pires moments noirs, puis il peut édifier quelqu'un avec ça. Il peut prendre François dans ses moments de ténèbres spirituelles, je faisais ça comme ça, de péché. Il va même utiliser à ce moment-là pour faire de quoi, puis lui, il veut se glorifier. C'est pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible le dit. Le moment le plus noir de la race humaine, c'est quand la race humaine a pris son Dieu et le mis sur le corps. Le moment le plus noir de la race humaine, elle a pris son propre Dieu, elle l'a mis sur le corps, elle l'a blasphémé son Dieu. Lui a assez de pouvoir qui dit, à part cette croix, je vais vous sauver. Il a pris le moment le plus noir de l'être humain, qui a sauvé la race humaine à travers ça. Parfois, je vous en parle. Avec nos moments noirs, je ne vous dis pas, faites-en, c'est pas grave, c'est pas ça que je vous dis. Il y a assez de puissance, de pouvoir pour utiliser même ces moments-là de notre vie. C'est pour ça que des fois, vous en entendez des témoignages de gens qui sont venus au Seigneur pendant qu'un autre chrétien parlait et qui faisait toutes sortes de conneries, puis c'était pas son intention. Pourtant, le Seigneur va utiliser même ça pour faire de l'air. Des fois, je me couche au soir du Seigneur, je ne peux pas te présenter ma journée et dire « Elle est tellement pure et belle, cette journée-là que j'ai faite, elle est tellement sainte et parfaite que je te l'offre. » Je ne peux pas dire ça jamais. Ce n'est pas si vous pouvez le dire, mais moi, je ne peux pas le dire. Mais je peux dire, Seigneur, dans ta puissance, dans ta grâce, tu peux utiliser cette journée que j'ai vécue pour te glorifier. C'est pas comment? Pas comment tu vas faire? Mais j'ai la foi que tu vas parler de la journée que j'ai vécue et que tu vas te glorifier avec ça. Je me couche plus tard. Je me couche plus tard. Je n'ai pas confiance en ma capacité. J'ai confiance que dans sa capacité, il peut prendre ma journée qui est imparfaite, qui peut faire des choses pour se glorifier à travers ça. Dans l'Église. Mais ce même esprit qui vient en nous, il fait des œuvres qu'on appelle des œuvres ponctuelles. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut dire ça? Une œuvre ponctuelle, ça veut dire quoi? Une fois. Hein? Ça se fait une fois. Ponctuelle. Pas. Quand je dis je suis ponctuel, c'est que j'arrive à l'heure, à cette heure. Je suis ponctuel. L'esprit fait des œuvres ponctuelles en moi, puis il fait aussi des œuvres continuelles. C'est-à-dire qu'il œuvre toute ma vie chrétienne, il fait certaines choses en moi. Il y en a d'autres qui font en moi, qui font ça une fois et c'est fini. Nommez-moi ça donc, des œuvres ponctuelles que l'Esprit fait en nous, les chrétiens. La régénération, ça veut dire. Ils m'ont régénéré une fois et c'est fini. Il a transformé mon âme mort, mon corps mort, et il a donné la vie. Ça, c'est fait une fois pour toutes.

Ça ne nous empêche pas de nous de comprendre ce qui se passe. Vous savez, un jour, je suis allé voir mon médecin. Quand je parle à mon médecin, j'explique ce que je vivais, tous les petits problèmes que j'avais conduits, tu vois ce qui s'en passe, toutes sortes de petits problèmes. Quand j'explique ça à madame, elle dit, voilà, blablabla, j'explique tout ça, elle dit, ah, oh, vous savez, le corps humain, c'est mystérieux. Ça ne m'a pas vraiment encouragé. J'ai pas vraiment plus confiance quand vous venez au problème. Là, elle dit, je vais vous expliquer ce qui se passe en vous, M. Malette. Moi, j'ai été opéré pour l'estomac et j'ai été opéré pour le foie. Dans mon système digestif, il n'est pas bien amoché. Je vais vous expliquer, M. Mallette, comment ça fonctionne. Quand je suis parti, j'étais encore malade et je comprenais mieux comment je fonctionnais. Vous savez que des fois, à cause que je comprends mieux, il me semble que ça fait moins mal. Savez-vous ça? Puis quand que je comprends mieux, je suis moins inquiet. Même si j'ai le même problème, je suis juste moins inquiet. Parce que je comprends bien qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps. Je suis pas en train de crever, là. Ça fait mal, t'as ci, t'as ça, mais tu t'en creveras pas de ça, là. Ah! OK! C'est moins bien que je pensais. Ça, c'est pareil comme en mécanique. Je comprends bien, vraiment. Chaque fois que mon moteur arrête, moi, dans ma tête, mon moteur est sauté. Je comprends rien. Fait que là, il est fini. Mais fait que je change, Là, pendant toute la journée, je me pose des questions, mais comment ça va me coûter? Ah, peut-être que je n'ai pas l'argent. Puis là, finalement, je vais voir le médecin mécanique. Je vais voir le mécanicien, puis il me dit, ben là, François, c'est rien, c'est juste ça, il faut choisir que 32 pièces. Ah! Pendant toute la journée, à cause que je ne comprends pas bien, j'étais inquiet. Je me suis fait des sortes de chimères dans moi. Je me suis fait des inquiétudes pour rien. Et dans la vie chrétienne, mes chers frères et sœurs, combien de fois je parle avec des chrétiens, combien ils s'en font pour rien. Comment des fois on est inquiet pour rien? Si on savait comment ça fonctionne vraiment, on serait réjouirait. Même dans la prison de Paul, on chantait les cantiques. On ne serait pas si inquiet, on ne serait pas si traumatisé que ça. J'ai passé ma vie de pasteur à écouter des chrétiens inquiets et courageux. Des fois, c'est moi qui les inquiétais, puis c'est moi qui les décourageais. Mais si on comprend bien ce que Dieu est en train de faire, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, ça va nous réjouir et ça va vous pousser. Moi, je vous dis, vous allez méditer ce qu'il est en train de faire. Quelle est sa mission en vous? Ça va faire ce que vous venez faire. Ça va vous pousser à louer et à adorer Dieu. C'est ça que vous voulez faire. C'est ce que je veux faire. Parce que l'Esprit Saint, c'est ce que je veux que je fasse. Mais plus que je pense à ça, plus que je médite là-dessus, plus ça me pousse à faire la chose pour laquelle j'ai été créé, adorer mon Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tout ce qu'on peut faire ce matin, après ce qu'on a entendu, de dire merci et de nous ton esprit en nous. Merci que son œuvre dépend de toi et non pas de nous. Merci que la mission que tu m'as confiée, nous avons la certitude qu'il va l'accomplir parce qu'il est Dieu. Merci que nous savons qu'il va œuvrer en nous pour nous emmener à être à l'image de Jésus-Christ, pour l'éternité. Sans aucune exception, tes enfants vont tous arriver à bon port. Et pour l'éternité, nous serons dans ta présence, et nous allons t'adorer et te louer pour cette œuvre que tu as faite. Seigneur, aide-nous dans les mois qui viennent à méditer sur l'œuvre de l'Esprit afin qu'on puisse mieux comprendre comment nous fonctionnons, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu es en train de faire, afin que nos cœurs s'élèvent dans l'adoration et dans la louange. Au nom de Jésus, nous te prions.